chanson École d'hiver 2020. Je suis un peu gêné d'intervenir après l'exposé d'Éléonore. Non, parce que c'est très... voilà, ça suffit, c'est bon. Grégoire Chelkoff. On pourrait s'arrêter là, quoi. Alors non, moi j'avais prévu de parler, tout simplement de, voilà, de, pour essayer de se relier. Ah oui, moi par contre j'ai des images, j'ai quelques sons, avec tous les défauts que ça comporte. C'est vrai que on enregistre. D'abord, on ne sait pas comment c'est enregistré. C'est enregistré avec du matériel parfois tout à fait approximatif, parfois mieux. Puis bon, mais bon, voilà. Alors. Quand on travaillait sur les effets sonores, on avait besoin de transmettre, de communiquer, de faire revivre l'expérience sur laquelle on dit, mais là, ici, nous avons donc un effet de je ne sais quoi, etc. Donc l'usage, l'utilisation de l'enregistrement, faut toujours voir les outils comme des, voilà, comme des opportunités, et après, toutes leurs défauts. Sont là. Voilà. Non, moi je vais simplement parler de travail sur laquelle, en fait, j'espère que ça puisse résonner avec ce qu'on va pouvoir faire ici, avec ces trois notions, moi, que j'ai essayé de montrer, sur la notion d'articulation, de limite et d'inclusion, qui pour moi sont trois manières de parler de l'espace vécu sonore en mouvement. Et parce que c'est un travail qu'on avait démarré donc dans les années 2000, qui s'appelle le prototype sonore architecturaux, qui se trouve là-bas sur la table. Je crois que c'est la première fois qu'on faisait une expérimentation vraiment là-dessus, c'est-à-dire construire une espèce d'abribus. Enfin, on avait fait un test un peu simulant une possibilité de faire un abribus, mais qui aurait des sortes d'affordances sonores un petit peu particulières. Et bon. Là-dessus, je vous avais proposé ces trois catégories. Je vous les repropose là pour essayer de montrer que ce qui m'importait alors, parce qu'on travaillait beaucoup sur la notion de paysage sonore, mais pour moi, elle présuppose quand même un point fixe. La notion de paysage, un fixe, on est devant quelque chose que l'on regarde. Est-ce que c'est le cas du sonore ? Et que la notion de mouvement, alors mouvement de mon corps, de ma tête, de mes oreilles, de tout ce qui fait que nous sommes vivants. Si nous sommes vivants, nous sommes en mouvement. Et aussi, effectivement, Léonore l'a évoqué, le mouvement des sources sonores, qui ne sont pas toujours fixes, avait été peu abordé, finalement, dans les recherches. On parlait pas beaucoup, on évoquait peu. Voilà. Donc c'était l'occasion d'approfondir un peu ça. Alors avant quand même, voilà, je voulais juste ces trois points là qui viennent de Erwin Strauss. Vous savez, c'est un philosophe phénoménologue. Il n'est pas philosophe d'ailleurs, il est médecin psychiatre, phénoménologue. Il écrivait avant Merleau-Ponty beaucoup sur les aspects de la phénoménologie de la perception, avec une finesse sur le son qui est assez, dans les années 30, assez redoutable, quand il parle de l'expérience sonore. Et donc, voilà, moi j'ai relevé ces trois points où il différencie. Il parle de l'expérience phénoménale du son, pas de l'expérience de la physique, hein, au sens où on peut en parler dans l'acoustique, ce qui est très bien, mais de comment le corps se saisit du son, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est tout à fait différent. Et alors, il différencie trois points. Il dit, premièrement, le son émane toujours d'une action. Il évoque l'action. Le son évoque l'action. Ça peut être un mouvement. Une action, c'est-à-dire qu'en fait, il compare à la... en fait, le fait simplement que le son exprime l'action. Hein ? Je parle, je me déplace, c'est quelque chose qui agit. Voilà. La deuxième chose, c'est par rapport à... comparant à l'environnement lumineux, coloré, si on peut dire ça comme ça, donc ce qu'on appelle perception visuelle, mais plus réellement environnement lumineux coloré, que celui-ci constitue des objets que l'on peut attraper, je peux l'attraper, mais que le son, lui, je ne l'attrape pas, mais par contre, il m'attrape entièrement, il attrape mon corps. It grabs my body entièrement. Et il prend l'exemple de la danse pour montrer cette capacité du son à mouvoir, puisque vous savez que la théorie de Strauss, c'est dire il n'y a pas de se sentir, c'est se mouvoir. Hein. Et le sentir se mouvoir est un couple absolument non débrayable. Et donc, il indique donc aussi par là que finalement, le corps en entier est saisi et quand vous dansez, c'est un autre mode de spatialisation qui se produit que lorsque vous marchez, par exemple, hein, tout bêtement, ou lorsque voilà, vous déplacez pour des raisons X ou Y. Parce que là, dans cet espace de la danse, vous pouvez très bien marcher en arrière sans problème. Alors que si vous marchez en arrière, si je vous dis de marcher en arrière là, vous allez dire « mais non, c'est pas possible ». Donc le son a cette capacité de nous emmener dans des mouvements qui ne sont pas, a priori, faits dans la vie quotidienne. Enfin, troisième caractéristique qu'il propose du son, c'est qu'il tend à homogénéiser et unifier l'espace. Contrairement à l'espace lumino-coloré, parce qu'on y distingue des objets, donc c'est la tradition de discrimination des objets par le sens de la vision à travers l'environnement lumino-coloré, et alors que le son a justement cette capacité à unifier l'espace, c'est-à-dire à unifier et à corréler avec l'ensemble des sensations pour former une unité qui m'environne toujours, quoi, qui n'est pas sécable, voilà, qui n'est pas coupé en morceaux. C'est intéressant, ces trois caractéristiques, toujours, parce que ça donne vraiment la spécificité par rapport à des sens différenciés, notamment avec le sens dominant que l'on dit celui de la vue, par rapport à ce qui est propre à la capacité hein, du phénomène sonore perçu. Voilà. Alors, ouais, évidemment, bon, je sais pas, mais ça pose des questions intéressantes au regard de l'espace, au sens de l'espace. Alors, on peut parler de l'espace imaginé ou de l'espace physique. Évidemment, nous, en architecture, on s'intéresse quand même aux murs, vous voyez, au sol, au plafond. Hein, c'est quand même des trucs qui sont importants. Enfin, on est désolé, mais c'est fait partie de la matière, quoi. Pardon, je fais du bruit dans les micros. Mais enfin, la matière. Nous, on travaille avec ça, on s'y coltine, comme on dit. Même si vous pouvez imaginer tout un tas de choses qui peuvent être, voilà, et qui sont aussi tout à fait valables relativement à ces espaces-là, quoi. C'est pour ça, les espaces. Voilà, alors bon, pour rapidement en arriver là, j'avais distingué trois niveaux, alors très très basiques. Alors, je me suis dit, il y a des degrés de mouvement différents, bon, c'est très très basique comme truc, par rapport à des dispositifs spatiaux que vous avez là, ce sont des images, alors sur lesquelles j'avais travaillé en me disant, tiens, alors il y a des choses où j'ai l'impression que le son articule un espace à un autre. Voilà, il y a quelque chose qui se passe dans mon parcours qui fait que il y a un vécu d'une articulation. Vous savez, une articulation, c'est quelque chose qui s'articule avec autre chose. Par exemple, je passe dans mes parcours quotidiens, hein, revenons à du quotidien ordinaire. Là, quand je passe d'un milieu à un autre, il y a des transformations dans le son qui se produisent. Dans le son, dans la lumière, mais ces transformations dans le son, comment elles se produisent? Est-ce que je peux regarder ça de plus près? Et en fait, parfois, il y a des moments, un petit peu comme ça, des moments clés qui ne sont pas inintéressants, parce que cette articulation, on peut presque lui donner une forme auditive, quoi. Donc là, j'ai un mouvement de déplacement, je me déplace, je déplace au moins de quelques... Voilà, une dizaine de mètres, ça peut être des types d'articulations. Alors, quand on parlait d'effets sonores, on parlait d'effets décrescendo, d'effets crescendo, d'effets, je ne sais pas moi, d'émergence et puis de disparition. Bon, bref, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Alors, la notion de limite, alors ça a été évoqué tout à l'heure. C'est vrai que la notion de limite nous pose une question énorme dans le son, parce que les limites du son, quand même... pas simple, quoi. La limite, elle est très représentée de manière visuelle. Mais ce que je voulais dire par limite, c'est plutôt des espaces limites. Alors j'avais remarqué que par le mouvement du corps, si je me penche à la fenêtre, si j'ai ma tête dehors ou ma tête dedans, bah l'environnement sonore, il bascule. Vous sentez tout de suite le passage. Tout à l'heure, je crois que Théo a présenté un fragment sonore enregistré à la Bastille. Vous allez à la Bastille, il y a un parapet. Si vous êtes au bord du parapet, vous faites ça, vous êtes dans le son urbain, vous reculez d'un mètre, il y a une limite, vous voyez, à laquelle tout change très facilement. Alors, je trouvais ça intéressant au niveau de l'architecture et des espaces urbains ou habités, ce qu'on va peut-être expérimenter là, ce type de changements qui se produisent de manière où le corps n'est pas en mouvement au sens du déplacement comme dans l'articulation, là, où je me déplace et les choses changent, mais où parfois il y a à la fois des espaces limites, alors on avait noté ça dans certains lieux, où en fait on entend à la fois un milieu puis un autre, et selon la dominance, ben, c'est l'un ou l'autre qui nous attire, ou alors c'est mon mouvement du corps qui me fait passer dans un laps de temps et d'espace très, très petit, d'un milieu à un autre, comme se pencher à la fenêtre. Et vous allez voir que selon les types de fenêtres, eh ben, ou les types de balcons, voilà, on a parlé des balcons, ça ce sont des choses qu'on a voulu expérimenter, parce que sur des petits espaces, des petits lieux, ça peut être assez intéressant. Voilà. Et puis la troisième notion, c'était donc la notion d'inclusion. Alors, l'inclusion, un peu plus complexe, c'est de se dire finalement, je ne suis pas nécessairement en mouvement, mis à part ma tête qui peut s'orienter, effectivement. Voilà, mais enfin, je suis toujours au même point, on parlait de point, un point un petit peu large quand même, mais, parce que justement, j'ai des perceptions alentour quand même de ce point-là. Allocentrées, elles sont pas que limitées à mon corps. Et parfois, dans certaines situations sonores, j'avais l'impression, je vous passerai des exemples, où on a à la fois l'impression d'être effectivement, c'est le système des poupées gigognes ou des poupées russes, où on est dans un milieu, mais on a une perception d'un autre milieu qui nous entoure. Et alors, c'est peut-être un peu cette profondeur, mais on peut, voilà, on appartient à la fois à celui-ci qui est là et à l'autre qui nous entoure. Il y a une espèce d'ambivalence. Alors, soit une immersion qui fait que, et là c'est vraiment l'inclusion totale, Paul Valéry parle de ça très bien, il raconte une expérience, il dit d'un concert, il dit je rentre dans la masse sonore et puis j'en sors. Il exprime bien par le mouvement, j'y rentre et puis j'en sors. Et il dit, quand je suis dans la masse sonore, je suis complètement immergé, je suis inclus dans ce truc-là, et puis hop, mais je peux m'en extraire. Voilà, et c'est le mouvement qui me fait faire ça. Bon, alors c'était un peu ces idées-là, moi je trouvais, bon, peut-être en prenant des exemples dans l'architecture et dans l'habitat, ou peu importe où d'ailleurs, mais enfin disons dans l'espace construit, parce que c'est un peu le truc qui m'intéresse moi personnellement, mais avec ces capacités sensibles d'interroger un petit peu nos habitudes de faire à partir de types de questions comme ça. Je trouve intéressant parce que la notion d'articulation, ça imprime un peu le rythme et la cadence du pas, par exemple. Mais finalement, si vous réfléchissez, quand vous marchez, regardez la marche militaire. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, et hop, vous êtes cadencé. Et est-ce qu'il n'y a pas dans notre cadence de mouvement, parfois, des liens à l'environnement sonore? Vous êtes dans un supermarché, nous on avait travaillé dans les espaces souterrains, Julien y était aussi. On faisait des interviews, des entretiens, des choses comme ça, et l'environnement sonore de ces espaces souterrains, vous connaissez le Halles, par exemple, à Paris, ça a changé quand même depuis le temps. Ou le Louvre, pour prendre un exemple le poids de l'art. Vous êtes dans des environnements très réverbérants, très immersifs, etc. Et regardez les gens se déplacent. Ça articule tout ça, quoi. Je veux dire, voilà. Le son a une capacité de mettre en mouvement, peut-être de nous mettre en mouvement aussi, selon les types d'articulation qu'il produit. Oui, comme on disait, on n'a pas jamais fait marcher autant au pas que les gens du 19e qui étaient baignés dans des bruits d'industrie. Je ne savais pas. Voilà. Bon, alors il y a peut-être dans ce que je veux dire par moi je m'y intéresse en termes d'articulation, évidemment je renvoie à des accessibilités, des corridors, des passages, des transitions. En termes d'architecte, ça me parle, je me dis c'est ce qu'on va peut-être fabriquer ici. Alors, quelques exemples. Une articulation à Grenoble, c'est ce passage. Alors, je crois que c'est Nicolas Rémy qui avait fait cet enregistrement avec quelqu'un qui, avec ses pas, en fait, fait sonner simplement. Alors, je trouvais intéressant le passage parce que vous remarquerez qu'il alterne des parties couvertes et découvertes. Dans les parties couvertes, évidemment, il y a moins de luminosité, mais il y a plus de sonorité, donc et plus de réverbération. Et puis, dans les passages clairs, évidemment, ouverts sur le ciel, c'est un peu moins réverbérant, un peu moins résonnant d'ailleurs, un effet de résonance moins marqué. Il y a toujours de la réverbération, bien sûr, mais elle se distingue. Et sur le son du pas, on l'entend très bien. D'ailleurs, on le voit sur le visuel là-haut, on voit les passages où ça se Ça gonfle, et puis ça rebaisse, et puis ça regonfle, et puis ça rebaisse, etc. Ça articule le pas, c'est le cas de le dire, de la personne qui marche. Voilà, vous voyez, c'est tout bête, hein, ces passages entre une place et une autre à Grenoble, vous pouvez l'expérimenter. En fait, le pas s'articule et la présence de soi dans ce milieu-là, varie avec la résonance, le pas plus ou moins sec. On dirait qu'il y a quand même une constante de frappe avec une rythmique quand même bien régulière. Hein, quand vous regardez les impacts, on marche d'une manière assez régulière en fait. Et cette constante, bah, elle varie avec l'environnement comme si elle. Et voilà. Bon, alors je me dis, tiens, c'est un type d'articulation à la fois dans un espace urbain de ce type-là et puis en même temps finalement de la présence de soi dans un passage. Les passages sont évidemment concernés par ce genre de choses. Je n'ai pas été le seul à observer. Ici, vous avez notre collègue Daumal Domenech à Barcelone, qui constatait un petit peu voilà, ces types de variations qui existent entre des milieux sonores. Et en fait, ça renvoie finalement à trois dimensions. Il y a une dimension très fonctionnelle, bien sûr, hein, créer des espaces d'articulation entre qui permettent de différencier des parties, finalement. On différencie des lieux par le son. C'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes lieux qui émanent à nos oreilles. On les différencie quand même, donc, pour répondre un petit peu à Strauss. Il y a une dimension symbolique, parce que le rite du passage, c'est quand même pas rien dans notre culture, gréco-romaine et j'en passe. Donc, il y a ce rite de passage aussi. Accéder à un lieu, c'est pas neutre. Ça peut nous transformer aussi, comme disait Sanso. Il y a des moments comme ça qui sont où l'ambiance, c'est peut-être plus une question d'ambiance, fait que ce passage-là va faire qu'on s'adapte à certaines, disons, dimensions de l'ambiance. Donc il y a ce passage, cette articulation d'une chose à une autre. Et puis il y a une dimension cognitive, c'est-à-dire en fait, dans la mémoire des lieux, dans la mémoire des trajets, comme disait Berthoz, la mémoire des trajets, qu'on est bien obligé de mémoriser, peut aussi passer par des éléments comme ça clés, pas seulement dans le paysage visuel, mais aussi par des éléments qui en marquent l'enchaînement ou la différenciation par des sons. Donc, voilà, peut-être des dimensions qui peuvent être fonctionnelles, symboliques, cognitives, il y en aurait encore d'autres, mais c'est simplement pour montrer un petit peu que, il n'y a pas d'espace neutre, à part peut-être l'étendue qui a été évoquée, celle de Descartes, qui serait donc l'étendue abstraite globale et homogène, et que les constructions font varier ces perceptions de l'espace. Thank you. très rapidement un passage d'angle dans un tissu ancien de Grenoble, où pareil, finalement, on est... Alors, évidemment, elle va critiquer Léonore, elle va dire, non, ça restitue rien. Mais bon, n'empêche que... Je vous raconte comment ça se passe. On est sous la une halle de marché, complètement immergé dans un son type métabolique, comme on dit, dans nos effets, c'est-à-dire où on distingue très difficilement ce qui fait devant, derrière, figure, fond, ça se transforme comme ça. Et puis on s'extrait de ce milieu, comme Paul Valéry sort de sa masse, là, voilà, bon, moi je m'extrais de la masse avec mon micro, bah oui, hein, et je passe l'angle de la rue. Et vous voyez, on voit très bien sur le graphique comment la chute du niveau sonore et l'éloignement, pour reprendre l'exemple de Théo tout à l'heure, là, sur ces idées de proche-lointain, je trouve qu'on l'entend très bien sur le klaxon qui émerge. Ah oui, bon, on ne sait pas du tout d'où il vient, avec sa réverbération, et on est passé dans un autre monde. Cette articulation-là, je trouvais qu'elle est assez caractéristique de ce qu'on peut trouver dans ce type de tissu-là, quoi. C'est-à-dire ces phénomènes de disparition, d'apparition, et qui s'enchaînent, et qui sont favorisés par bon, alors, ces passages d'angle, ces recouvrements, ces... Alors, c'est vrai qu'on est dans des espaces plus étroits que l'espace contemporain, bien sûr. Et donc, ça explique un petit peu ces phénomènes de, voilà, qui créent... alors, on appelait ça des effets de coupure. Est-ce qu'il y a vraiment coupure? Bah, je peux vous dire qu'il y a une chute de 10 décibels entre le moment où je suis passé avant et après. Et je trouve que... c'est pas une loi, mais quand vous évaluez ça, vous dites, bah ouais, 10 décibels, ça commence à faire quand même une belle chute. C'est très sensible dans le parcours du quotidien. Cette chute de 10 décibels, elle fait comme une porte sonore virtuelle, quoi. J'ai changé d'espace, alors que l'espace, lui, il est continu, quelque part. Je marche de manière continue. Mais par le son, j'ai passé un autre milieu, quoi. Voilà, c'est un type d'articulation. Alors, est-ce que c'est vraiment une coupure, au sens où on l'entendait? Peut-être pas tout à fait. C'est à la fois un décrescendo, puis une transformation fréquentielle, et puis voilà, un éloignement. Mais il y a quelque chose d'une source qui est quand même atténuée assez rapidement, qui laisse émerger d'autres sources. Voilà. Ça, bon, voilà. C'est un type d'articulation que je ne trouve pas inintéressante dans le mouvement, la dynamique temporelle et spatiale du marcheur. Bon. Je vais passer là-dessus, mais on aurait plein d'exemples comme ça. Les limites, les seuils et les bords, hein, pour dire ça comme ça, sont pas inintéressants aussi dans l'habitat, parce que c'est vrai que... Alors, c'est plus délicat, parce que c'est travailler sur des espaces où les qualités vont changer de manière... Ruisselet qui passe devant un mur au pied du stade de foot. Visible, toujours. Bien, il y a un bruit de fond qu'on entend urbain qui est quand même assez présent, même si c'est à Visil, au sud de Grenoble. C'est pas un espace très circulant. Mais j'ai une grande étendue devant moi, d'ailleurs, visuelle. Mais je m'adosse au mur, vous voyez, adossé à un mur avec une source qui finalement profite de la réflexion du mur, qui a sa fréquence quand même bien ciselée pour être bien audible. Mais dès que je me lève et que je m'éloigne, mais je sais pas, un mètre, deux mètres, elle disparaît complètement. Hein. Elle disparaît de mon champ. J'aime bien ces espaces limites comme ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en observant un peu des architectures... oui, voilà, ça, c'est l'illustration du parapet. C'est exactement ce qui se passe. Un mouvement de 2 mètres fait qu'une source sonore change, disparaît. je change d'environnement, quoi. Hein, voilà. Bon, ça, je trouvais ça intéressant du point de vue de ce que ça peut faire en architecture, si on réfléchit à des choses comme ça, où le vécu va pouvoir passer d'un milieu à un autre, comme ça, d'une manière très connotée différemment, quoi. Bon. Alors, j'avais pris des exemples dans l'architecture. Si vous allez au musée à Lisbonne, ouais, il y a des murs comme ça avec des gouttes qui tombent. Vous les entendez de près, mais dès que vous éloignez, vous ne les entendez plus. Au musée de Gulbenkian, la fondation Gulbenkian à Lisbonne, il y a un toit avec, et l'eau est récupérée dans des bassins. Il va y arriver. Quelques gouttes qui tombent, vous asseyez là, vous entendez très bien, vous me déplacez de 2 mètres, elles disparaissent complètement. Donc c'est des espaces limites comme ça. Alors ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est la notion de discrétion. C'est-à-dire des sources sonores discrètes, dont il faut s'approcher, ça rejoint un peu Théo. Hein, et pour percevoir ces sons discrets, il faut que je m'approche. Donc c'est là aussi, vous voyez, le fait de s'approcher ou de s'éloigner, bon, c'est très basique ce que je dis, hein, mais fait que voilà, je vais avoir affaire à des éléments qui vont connecter l'ensemble de la scène, quoi, finalement, qui vont changer la nature de la scène, de je sais pas quoi, de l'univers, du monde qui m'entoure, quoi. Hein. Et c'est ça que je trouve, je trouve intéressant pour, par exemple, des situations d'assises, des situations de voilà où on tend l'oreille. Vous voyez, il y a l'expression en français de dire on tend l'oreille, c'est on est amené à être effectivement en mouvement par rapport à des sons relativement discrets. On parle beaucoup des sons puissants, mais si on réfléchit aussi aux sources plus discrètes, il y en a un certain nombre, et on aura l'occasion sans doute d'en parler, mais de cette infrasensible ou de cette limite du sensible qui fait que ça colore la perception que je peux avoir d'une chose dans un espace. Voilà, avec des étudiants, oui, on étudiait les passages d'angle, parce que les passages d'angle en acoustique sont bien connus, parce que quand on passe un angle, il y a des choses qui se passent quand même, hein, qui se produisent, parce que ça tend à atténuer parfois, hein, selon les orientations des sources. Et là, c'était un angle qu'ils avaient repéré, où ils disaient, ben, finalement, quand on passe cet angle-là, on change bien d'environnement sonore, quoi. Pourtant, ça se joue sur pas des choses qui sont pas énormes. Encore une fois, c'est pas forcément des traitements acoustiques massifs. Ça peut être aussi lié à un changement de nature de sol sur lequel je marche, au fait que les orientations des sources autour de moi sont plus tournées de l'autre côté que de ce côté-là, et au fait que je récupère d'autres sources sonores qui viennent recolorer complètement les choses. Vous voyez ? C'est un ensemble de facteurs qui font que finalement cet angle-là fait limite quelque part. Hein. D'un côté et de l'autre, c'est pas la même chose. Là, j'ai un autre exemple, je trouvais ça fascinant, c'est à Barcelone. Écoutez, il y a une variation de la courbe de niveau, là sur la diapo, la photo du milieu, là, vous voyez ? Là. On passe ce seuil, et en passant ce seuil, l'environnement sonore change complètement. Il se ouvre sur la promenade de Barcelone. Et vous le sentez, je l'ai enregistré, vous n'allez pas me croire, mais mais c'est assez fascinant. Alors je trouvais ça intéressant, l'altimétrie, moi c'est quelque chose qui je trouvais intéressant, c'est pour ça qu'on avait bossé un peu là-dessus, sur l'idée que... Mais là c'est une altimétrie, la variation, elle est... franchement il n'y a pas grand-chose. Hein. Bah, tu vas à Barcelone toi Nuria, hein. Tu étais de Barcelone. Mais... voilà, alors moi j'avais fait un enregistrement complètement hasardeux d'ailleurs, en me déplaçant, et je me suis dit mais c'est... Je suis derrière ce sommet, ce col. Alors j'ai appelé ça le col. On est en montagne, on a des cols beaucoup plus hauts. Mais là, c'est un col qui doit faire, je sais pas moi, 1 mètre, dénivelé peut-être, allez, 2 mètres. Et en fait, dès que vous passez le sommet, hop, vous êtes immergé avec un autre paysage. Alors avec beaucoup de lointains, avec des passages, des piétons, etc. Une ouverture visuelle. Alors est-ce que c'est l'ouverture visuelle ? Mais comme on le perçoit par l'enregistrement, donc je me dis c'est pas le visuel qui l'emporte, c'est aussi le son. Mais c'est vrai que ça se joue en même temps, hein, parce que si on se retourne, c'est intéressant de regarder ses limites toujours dans les deux sens, c'est-à-dire je vais vers l'ouverture ou je vais vers, dans l'autre sens, comment ça marche dans les deux sens, hein, puisque on peut marcher dans les deux sens. Il y a effectivement dans le visuel, si on retourne la photo, je ne l'ai pas faite, il y a un resserrement avec des écrans, en fait ce n'est pas des écrans, mais des plages d'ombre au sol qui font que peut-être ça occulte la vision, mais le son, lui, change bel et bien, quoi. Donc voilà, alors il y a des espaces limites. C'est vrai qu'en termes d'architecture, on peut travailler peut-être sur des choses comme ça qui, dans l'espace public, peuvent être intéressantes, notamment pour favoriser peut-être le contact ou le non-contact entre deux milieux sonores pour X raisons, pour des raisons d'usage public ou pour des raisons de conversation avec quelqu'un. On va s'abriter plus, que, etc. Donc il y a un usage possible aussi de ces espaces limites dans l'urbain ou dans l'habitat, quoi. C'est-à-dire de ces espaces où on peut facilement se retirer ou être légèrement à l'écart. Vous voyez, c'est toujours des termes de mouvement, hein. Je me mets à l'écart, donc je fais ce mouvement de me séparer un peu des choses, mais je peux y revenir aussi. Donc c'est pas une exclusion au sens vraiment d'isolement, hein. C'est la capacité, et ça c'est très important, parce que si vous réfléchissez en termes d'affordance, comme le dit Gibson, vous connaissez l'idée d'affordance, c'est bien d'offrir ces possibilités-là, hein, de capacité que nous avons à choisir finalement l'environnement qui, à un moment donné, va convenir pour X raisons affectives, sociales, autres, peu importe. Voilà, c'est pour ça qu'on avait travaillé pas mal sur ces histoires de balcons, de profondeur de balcons, parce qu'on remarquait qu'en reculant plus profondément à l'intérieur des balcons, on avait ces variations-là aussi de relations avec, par exemple, un environnement extérieur, qui, bien qu'elles soient assez faibles, jouent un rôle dans le degré de relation entre l'espace plus intime et l'espace plus public, hein, des choses. Et donc cette capacité-là pouvait être intéressante pour accroître les potentialités d'usage, hein, tout simplement, hein, de ces milieux-là. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la notion de balcon, c'est quelque chose qui est assez demandé, voilà, on essaie de réfléchir à des configurations, si vous voulez, qui permettent précisément de favoriser ce jeu de limites. Alors voilà, la troisième catégorie, et puis après on va manger, c'est l'idée d'inclusion. Alors je ne sais pas trop bien comment la traduire, mais en anglais, donc des parties ou des inclusions. C'est l'idée que dans un milieu, parfois, enfin je trouve que c'est, je parle d'expérience, ce sentiment d'avoir parfois des atmosphères ou des ambiances qui sont comme autonomes, qui ont une certaine autonomie, voilà, ou semi-ouvertes, et qui font qu'on a le sentiment d'être inclus dans quelque chose, mais qui a quelques relations avec quelque chose qui l'entoure. Et en même temps, ces inclusions ont une capacité à prendre effectivement notre corps entier. Hein, c'est un peu l'histoire de Paul Valéry, qui rentre dans sa masse sonore, mais qui peut aussi en sortir, et qui fait qu'on se sent inclus. Alors c'est souvent des environnements de type comme celui qu'on peut entendre. Ce qui était intéressant dans la situation de la terrasse couverte, c'est qu'on est pris dans un milieu vocal assez enveloppant, hein. L'enveloppe sonore est très, très prenante. En même temps, alors, le sens visuel là, joue un rôle d'ouverture sur les sources que l'on voit à l'extérieur. Alors on entend vaguement, peut-être vous ne l'avez pas entendu, mais on entend une fontaine chuintante qui se trouve peut-être à 30 mètres, mais donc qui crée ces relations. On est bien inclus dans le son, mais on a des relations avec des éléments qu'on peut entendre ou voir qui en sont l'environnement, qui en forme la deuxième couronne de l'environnement, si vous voulez. Voilà. Et pour finir, je voulais évoquer des aménagements, parce qu'il y a des aménagements sonores. Si vous avez l'occasion d'aller écouter, moi, je n'ai pas de bande-son de cette chose-là. Mais je trouve que ça crée un peu, justement, d'ailleurs, les défauts et les qualités de l'inclusion. En fait, il s'agit d'un aménagement qui se trouve à Zadar, dans l'ex-Yougoslavie, en Croatie, donc qui a été fait par un architecte, Nicolas Bazic, et un facteur d'orgue. Et donc, il s'agit de produire là, cet aménagement de marche le long d'une limite avec la mer. Hein, et donc, la reprise du mouvement des vagues permet d'actionner des pistons à air qui produisent des sons qui sortent du sol ou des marches. Bon, c'est l'idée. C'est marrant parce qu'il y a un truc comme ça qui a été fait à San Francisco bien avant, dans les années 60. Mais moins bien foutu, mais enfin c'était la même idée, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous allez sur la vidéo, parce que là je ne l'ai pas sur Dailymotion, etc., vous entendez les orgues et ça crée vraiment un environnement sonore, alors très très présent, finalement peut-être trop présent d'ailleurs à mon goût, mais bon, qui fait que ces notes, cette musicalisation du bord là du bord de mer, en fait, en quelque sorte, une espèce de musicalisation permanente, parce que ça ne s'arrête pas, la mer, elle est toujours là. Hein. C'est créé et inclut un petit peu tout ce monde-là dans cet univers sonore produit par ce dispositif. Bon, je veux dire, ça peut être à double tranchant, je veux dire, cette permanence de la source sonore qui nous prend et qui, finalement, dont on a du mal à s'échapper, quelque part. Hein. Voilà. Je m'arrêterai là, simplement qu'on a pu tester les années passées, donc en 2000-2003, des dispositifs comme ça, très expérimentaux, ce qu'on veut faire ici avec vous, mais différemment encore, pour tester comme ça, c'était des idées d'extracteurs phoniques, voilà, dans un grand volume, comment je fais pour créer quelque chose qui me permet de m'échapper de l'ambiance sonore de ce grand volume, mais tout en étant toujours connecté à lui. C'est toujours cette ambivalence de l'acoustique qui n'est pas inintéressante, mais d'orienter l'écoute, le corps, par rapport à un environnement, c'est aussi offrir des possibilités, hein, à l'usage, aller s'asseoir pour entendre telle ou telle chose, ou s'extraire d'un milieu trop englobant, parce qu'on en a un petit peu assez à la fin de la journée, et qu'on avait rencontré ce cas-là, par exemple, sous la pyramide du Louvre, hein, où effectivement, les gens qui travaillent dans ces milieux-là sont inclus dans cet immense volume vocal et lumineux, mais parfois ont envie de s'échapper et n'ont pas aucun dispositif qui leur permet de le faire. Rien. On ne peut pas échapper au milieu. Bon, alors voilà, est-ce que l'architecture peut répondre à certaines de ces nécessités-là? Parce qu'il faut aussi arriver à ça. Et en même temps, faire rendre compte que voilà, cette perception phonique et kinésique de l'espace, elle se joue avec mon propre savoir-faire, mes propres compétences. Elle ne demande pas de compétences plus que celles que nous avons tous à pouvoir bouger et percevoir en même temps. Voilà, je m'arrêterai là, car il est l'heure.